19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture se lance sur un sujet à la croisée de l'histoire et de l'archéologie. Deux disciplines aux objets de recherche somme toute différents. On le sait, l'archéologie révèle ce que les gens ont fait comme ce que l'on a fait aux gens, thème peu documenté par l'histoire. Pour cela, notre choix s'est porté sur une recherche tout à la fois très nouvelle et peu connue, surveiller et punir, archéologie de la justice médiévale. Ce titre fait bien entendu référence à l'œuvre de Michel Foucault parue en 1975. Que les punitions en général révèlent d'une technologie politique du corps, c'est peut-être moins l'histoire qui me l'a enseigné que le présent, écrivait-il. Ce soir, puisque l'archéologie est ce que l'on a fait aux gens, nous tenterons de savoir ce qu'elle apporte avec Mathieu Vivas. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui est formidable, Mathieu Vivas, c'est que vous êtes au cœur de ces deux disciplines, puisque vous êtes maître de conférences en histoire et archéologie du Moyen-Âge à l'Institut de recherche historique du Septentrion de l'Université de Lille, mais aussi membre de l'Institut universitaire de France. En 2019, une étonnante découverte était réalisée à Orléans. Nous en reparlerons et je contactais à cette occasion une historienne, Véronique Bollande, qui me parla de vos recherches. Bienvenue donc ce soir dans l'émission. Mathieu Vivas, réexaminons le droit de punir. À évoquer le sujet de la mort pénale, on imagine immédiatement une justice ecclésiastique. Il n'en serait rien et vous soulignez l'importance du monde laïque. Oui, c'est ce que j'essaye de prouver essentiellement quand même dans le cadre de mes travaux, que hormis des censures spirituelles et canoniques que sont l'excommunication, l'anathème ou l'interdit, il faut également s'intéresser à une justice, alors civile et laïque, oui, mais aussi temporelle quand même, qui s'inscrit particulièrement dans le temps et qui s'inscrit directement dans le corps des justiciables. C'est-à-dire que on peut avoir différents marqueurs qui s'imprègnent pour chacun des criminels, sur leur visage, sur leur langue, sur leurs mains, sur leur tête. Et dans cette justice médiévale, il y a véritablement une réciprocité entre le crime et la peine. Et c'est ce qui m'intéresse véritablement dans cette justice temporelle, civile et laïque. Je m'intéresse tout particulièrement à la mort pénale, à la décapitation, mais surtout à la pendaison quand même. Alors la langue, c'est bien sûr pour le blasphémateur, oui. La main pour le parricide, on est dans le temps long, c'est ça peut-être qui est intéressant. J'évoquais la justice médiévale, mais c'est la justice médiévale et moderne. Oui, je prêche peut-être pour un très long Moyen-Âge, comme l'aurait dit un historien que vous connaissez, mais il y a bien souvent une chronologie qui doit se concevoir sur le temps long, sur l'époque prémoderne et également sur l'époque moderne. C'est-à-dire que quand on est un seigneur au justicier, on l'est à l'époque médiévale, mais on l'est bien souvent encore à l'époque moderne. Donc quand on est détenteur de gibet, de fourche patibulaire, on l'est à l'époque médiévale et encore à l'époque moderne. Un concept est même développé autour de la nécropolitique. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un concept dont je ne suis pas le papa, mais... Mais que vous revendiquez. Que je revendique, oui, que j'essaye, alors je ne sais pas si c'est un verbe, mais d'archéologiser, je ne sais pas oui, comment oui, on pourrait pas, le dire, pas, mais c'est un concept qui au départ naît chez Michel Foucault, que vous avez cité tout à l'heure, qui au départ se nomme quand même plutôt la biopolitique, qui par la suite, avec d'autres travaux d'Achille Mbembe par exemple, je pense à lui, se transforme en nécropolitique. Alors qu'est-ce que cette nécropolitique? C'est la façon dont des États souverains, qui manifestent leur pouvoir dans le droit de vie et le droit de mort sur les justiciables. Qui peut vivre? Qui peut mourir. Mais au-delà du temps de la mort, de cette mort pénale, il y a également une volonté de gestion de l'après-mort. Et c'est tout l'intérêt de mon travail, d'essayer de prouver que les autorités qui détiennent ce droit de haute justice, de peine corporelle, utilisent également le corps du criminel mort, son cadavre, on devrait même plutôt dire, à des fins politiques, en fait, à des fins de pouvoir et d'autorité. Gibet et pilori, pilier de potence ou pendoir, voire fourche patibulaire, ces lieux sont sous la responsabilité administrative d'autorités civiles et laïques. En France, c'est surtout la pendaison. Oui, la pendaison est quand même, là je renvoie également à des travaux d'historiens quand même, des textes, et en particulier aux travaux de Claude Gauvard et son récent ouvrage Condamné à mort. La pendaison est quand même la peine de mort qui est la plus utilisée dans le Royaume de France, et on peut, je pense, élargir aussi un petit peu également à l'Europe occidentale. C'est quand même la peine que l'on trouve le plus régulièrement. Alors, elle n'est pas forcément, il ne faut pas non plus imaginer une peine de mort et une pendaison qui arrive tous les mois, hein, c'est une quantification qui est beaucoup plus réduite, on pourrait dire ça comme ça, et certaines années il n'y a aucune peine de mort qui est prononcée, et d'autres années, selon les contextes, on peut en retrouver beaucoup plus. La décapitation est peut-être réservée au cas politique ? La décapitation est quand même plutôt réservée aux crimes liés au phénomène politique, oui, et en particulier à la trahison. Mais vous pouvez aussi avoir des voleurs récidivistes, des brigands de grand chemin qui ont remis en cause la cohésion sociale, la paix sociale, et étant jugés comme étant de grands criminels, ils sont décapités. Alors il ne faut pas non plus penser qu'on ne peut être, dans cette justice médiévale, ou décapité ou pendu, on peut être décapité et pendu. Hein. À chaque crime correspond une peine, et si on est coupable de plusieurs crimes, la peine s'inscrit dans votre corps de différentes façons. Oui. La roue serait plus tardive ? Oh, la roue, on la retrouve quand même pour l'époque médiévale. Alors elle est peut-être un petit peu plus, entre guillemets, médiatisée pour l'époque moderne, mais la punition par de la roue se retrouve quand même utilisée dans le Royaume de France. On en retrouve quand même pas mal mentionné dans les chroniques. Cette peine est quand même assez spectaculaire aussi en place publique, oui. C'est-à-dire que la personne est attachée sur une roue, oui, qui tourne, et on le tape, c'est ça ? C'est ça, et on le frappe jusqu'à ce que mort s'en suive. Les travaux récents ont révélé la connaissance des lieux d'exécution. Une grande variété de lieux au cœur des villes est ainsi réservée à des peines corporelles et capitales. Où cela se déroule-t-il ? Sur la place publique, sur le domaine public, mais également à proximité de lieux un petit peu plus privés. C'est-à-dire que la punition du crime est une punition qui se veut publique pour l'exemplarité judiciaire. Il faut éduquer la population. Il faut aussi rassurer la population en lui disant qu'on est un détenteur de la haute justice et que l'on fait tout pour maintenir la paix sociale. Et le crime peut être puni également sur le lieu où il a été commis. On est ici un petit peu dans une vision peut-être un peu talionique, hein, de la chose, mais c'est quelque chose qui est quand même assez utilisé. On peut punir donc sur la place publique, à côté du consulat quand on est dans une ville consulaire. On peut afficher des bouts de corps à l'entrée de la ville, aux portes, sur les murailles, et on peut finir... Les ponts aussi, visiblement. Les ponts également, oui, bien sûr. En fait, l'ensemble des structures, on va dire, les infrastructures d'une ville sont mises à contribution, puisque ce sont des éléments qui sont visibles. Et c'est une justice qui se veut visible. Justement, les exécutions sont en public, puisque le public, la foule, sont des justiciables en devenir. Oui, c'est tout à fait ça, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, on éduque la population en fait. Alors elle participe activement à cette à la peine capitale, c'est-à-dire que elle donne quelque part son accord aussi en étant présente, et la peine de mort, quand on l'effectue au Moyen-Âge, c'est également un spectacle, c'est véritablement comme un théâtre, c'est une mise en scène, il y a des sons de trompe, de corps, il y a des bannières, il y a des couleurs, et il faut que le public comprenne quel est le criminel que l'on punit et quel est le crime pour lequel il a été condamné. Et encore une fois, c'est aussi un moyen de... C'est comme une communication, quelque part aussi un petit peu visuelle de la part des autorités, de dire aux justiciables, aux administrés, regardez, on fait tout pour maintenir une paix sociale à l'intérieur de la ville. Alors pourquoi cette répression si exemplaire ? Peut-être face à l'importance des délits qui ne sont pas jugés, qui ne sont pas... Alors, la peine de mort intervient après un jugement. On ne la prononce pas telle qu'elle. Hein. Il y a quand même tout un code. La justice médiévale est codifiée, normée, est très ritualisée. Et ce n'est qu'après un jugement que l'on est condamné à mort. Il faut vraiment sortir de cette image d'un Moyen-Âge extrêmement violent où la justice ne serait qu'aux mains des seigneurs et appliquée comme bon leur semble. Mathieu Vivas, les espaces de châtiment sont codifiés et tendraient pour vous à être sacralisés, à même sacraliser l'espace urbain ? Oui, ils participent véritablement. Alors, sacraliser, oui, mais je dirais véritablement participent à la construction de l'espace urbain. C'est-à-dire que ces espaces de la justice et ceux de la mort pénale ancrent dans le paysage, en fait, l'autorité et le pouvoir de ceux qui le détiennent. Les fourches patibulaires, par exemple, qui se situent à l'extérieur des villes, sont situées en limite de juridiction. Donc, quand vous arrivez dans une juridiction, bien souvent, la première chose que vous voyez, ce sont des fourches patibulaires. Oui, bien évidemment. Ces lieux sont tout à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, vous le disiez. Il y aurait donc une sorte de dialectique entre l'intramuros et l'extramuros ? Oui, complètement. Là, encore une fois, le jugement est rendu... Alors, le jugement est bien souvent, je devrais le dire comme ça, ou employer le conditionnel, rendu à l'intérieur de la ville. Et il y a comme une géographie, en fait, de la peine, si vous voulez, un mouvement qui part de l'intérieur de la ville pour aller à l'extérieur de la ville. On juge à l'intérieur de la ville. Les peines corporelles peuvent être non létales, peuvent être rendues à l'intérieur de la ville, mais la mort est bien souvent rendue quand même à l'extérieur de la ville, en particulier la pendaison, qui est véritablement infamante. Alors, on peut bien sûr décapiter à l'intérieur d'une ville, mais le corps du criminel condamné à mort, son cadavre, doit être expulsé de l'intérieur de la ville. Tel que la peine de mort exclut quelqu'un de la vie, quand on juge un criminel, on l'exclut de la communauté de la ville, et là, dans la mort, on l'exclut encore de la ville, pour qu'il finisse dans un lieu infamant, les fourches patibulaires, bien souvent. Les corps fustigés sont au carrefour. Souvenons-nous de Simon Arret qui, en 1480, fut exécuté au plus près du lieu de ses forfaits. C'est une chose qui revient assez souvent. Oui, quand même. Là, encore une fois, on est véritablement dans une vision talionique. Alors, Simon Arret, 1481, on est dans le nord de la France. Il est décapité, mis sur une roue sur les chemins entre Lille et Haubourdin, et au plus près, en fait, du lieu où il avait commis véritablement son crime. C'est comme si on essayait également de réparer un petit peu, de nettoyer la souillure que son crime avait que le crime qu'il avait perpétré à l'endroit où il l'avait fait. Et cela a donné une procession à Lille ensuite ? Oui, alors il y a cette sorte de tradition, c'est intéressant. Voilà, cette tradition, cette image que l'on va appeler du chevalier rouge, on les retrouve dans les annales lilloises, l'intégration de ce chevalier rouge dans les grandes processions de la ville. Cela fait référence véritablement à une agression qui a eu lieu à Lille en 1276, où justement l'agression d'Adam Bloé, hein, on se retrouve à Lille. Donc c'est une agression véritablement importante de clercs qui est condamnée ensuite par les grandes autorités, par la comtesse Marguerite, et le criminel qui a agressé des clercs est condamné à marcher dans les rues sous forme de procession en habit écarlate, et de là est resté dans ces processions cette utilisation de l'habit rouge, d'où le chevalier rouge. C'est-à-dire que le bailli de Lille qui viole l'immunité de l'espace ecclésiastique, oui. Ecclésial, pour prendre ce clerc et bien sûr le prendre, va faire un itinéraire et l'itinéraire du martyr du clerc à l'envers, c'est ça ? Pour réparer oui. sa faute ? Oui. Comme je vous disais, la justice est extrêmement ritualisée et ici, c'est comme si on appuyait sur la touche rembobiner. Il faut en fait refaire le crime qui a été perpétué à l'inverse, pour rétablir en fait la mémoire et l'honneur également de ces défunts. Les fourches patibulaires sont toujours dans des endroits, vous me disiez, à l'aide des limites de frontières, mais elles sont dans des endroits très stéréotypés, dans des lieux visibles. On est sur l'explication. Oui, il faut que les fourches patibulaires soient visibles. Alors, quand la topographie le permet, elles sont plutôt sur un promontoire, sur un lieu qui se veut élevé, mais dans l'absolu, elles sont au bord d'une voie de communication et elles sont visibles. Elles doivent être visibles justement parce qu'elles participent de l'établissement de la paix sociale. Elles doivent être visibles également parce qu'elles sont très symboliques. Elles sont à 2, 3, 4, 5, voire plus de piliers et les seigneurs hauts justiciers ont le droit à posséder un nombre restreint de piliers. Donc quand vous voyez des fourches patibulaires à 3 piliers, vous savez que vous êtes proche d'une ville ou plutôt d'un comte qui va être détenteur d'une justice et seul le roi peut avoir autant de piliers qu'il le souhaite. Et on a tous en général en tête l'image de Montfaucon avec ses très nombreux piliers. Oui, qui est le plus beau... qui est un véritablement gibet. Un gibet monumental. Qu'on évoque systématiquement, alors qu'il est peut-être justement exceptionnel. Il est exceptionnel. Alors, je m'attache aussi à montrer qu'on est là face à quelque chose, une architecture qui se veut également au service du pouvoir. C'est une architecture judiciaire au service d'une communication royale. Je travaille également sur un gibet royal qui se situe à Draguignan, dans le Var, qui est tout aussi exceptionnel de monumentalité, et pourtant ce n'est pas Montfaucon. Et il présente quand même 9 piliers maçonnés, il est à flanc de colline, et on a aménagé une terrasse maçonnée et caladée juste à côté. On ne va pas parler de toponymie, ni de topographie, mais tous les lieux dits fourche justice sont des lieux de gibet. Pas forcément. Les fourches, c'est un toponyme. Alors, il faut faire très attention, justement, entre la réalité historique et les toponymes. Les fourches peuvent être bien souvent aussi un mot employé pour évoquer la croisée des chemins. Mais j'avoue quand même qu'il faut véritablement travailler, prendre en compte le travail sur la toponymie. Oui, les piliers, la justice, les pendus sont des indices, on va dire, pour travailler sur les lieux de justice. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. L'archéologie permet-elle d'étudier la justice médiévale et moderne? Bien entendu, puisqu'elle est la matérialité du droit de punir. Je vous propose d'écouter une récente archive, la découverte de 3 femmes, probablement condamnées à Orléans. On écoute Laure Ziegler, du pôle archéologique d'Orléans. Ce que vous avez découvert, ce sont 3 fosses. 3 fosses très particulières. Exactement. 3 fosses avec un individu dans chacune d'entre elles. Des individus qui ont été déposés dans des positions très atypiques, ce qui attise énormément notre curiosité. Les fosses faisaient environ 80 cm de profondeur. Comment étaient déposés les individus? Le premier individu était à genoux, avec la colonne vertébrale relativement à la verticale, et le buste et la tête droit. Le deuxième individu était assis avec le dos appuyé contre la paroi de la fosse et légèrement penché sur son côté droit. Ses jambes étaient repliées et ses genoux étaient posés également contre la paroi de la fosse. Et enfin, le troisième individu était assis comme en tailleur mais avec les genoux relevés. Et ses chevilles étaient croisées de telle sorte qu'on peut penser qu'elles étaient attachées entre elles. Le point commun entre ces 3 individus, c'est qu'ils avaient tous les membres supérieurs, c'est-à-dire les bras, maintenus dans le dos et les poignets à proximité les uns des autres. Donc on pouvait imaginer qu'ils étaient attachés, même si on n'a aucun lien d'aucune sorte qui a été conservé jusqu'à nous. Alors des individus assis, on en découvre de temps en temps. J'ai souvenir que dans le Mésolithique, par exemple, à une période, on peut enterrer des individus accroupis. Vous avez tout d'abord pensé à l'époque romaine, peut-être des esclaves par exemple, comme on en a trouvé à Sainte, et qui avaient les fers encore aux pieds, ou jetés dans un puits, le fameux puits d'entrain sur Noé. Visiblement, on ne serait pas sur la période romaine. Alors on a tout d'abord pensé à la période antique, car effectivement ces fosses recoupent la voie antique qui existait. Et nous avons plusieurs exemples d'inhumation datant de l'Antiquité dans le secteur. Maintenant, on revient un petit peu sur cette datation.

essentiellement retrouver des criminels, bien évidemment. Alors déjà, quand même avoir des éléments sur l'architecture, sur la construction, qui s'est avérée être une construction monumentale. On est quand même sur des fourches patibulaires qui font plus de 8 mètres de côté, pratiquement 2,50 m à 3 mètres de hauteur, 4 piliers maçonnés et... Pour le coup, hélas, mais ce sont les aléas de l'archéologie, pas d'espace d'inhumation associé. Vous avez fait une sorte de 3D, du coup, pour essayer d'illustrer un peu ce qu'il restait des vestiges au sol? Oui, sur la base des relevés, sur la base des observations d'archéologie du bâti, on a lancé une petite campagne de photogrammétrie et une proposition, une restitution, une hypothèse en trois dimensions sous forme de petites vidéos est parue, oui. Alors, on sait que certains faits datent du 15e siècle et que un compagnon de Jeanne d'Arc aurait rendu justice dans la région, et notamment sur ces fameuses fourches patibulaires. Oui, le seigneur de Beuil, l'auteur du Jouvencel, compagnon de Jeanne d'Arc, était le seigneur au justicier qui détenait ces fourches patibulaires. Là, ce sont essentiellement grâce aux datations carbone 14 que l'on a pu resserrer la chronologie autour du Moyen-Âge. Et là, vous avez un exemple précis de fourches patibulaires utilisées entre l'époque médiévale et jusqu'au 18e. Et de nécropolitique peut-être aussi. Et de nécropolitique, oui, ici tout à fait. Qu'en est-il du corps du condamné? A-t-il droit à une réelle sépulture ou une simple fosse? Plutôt à une simple fosse, on va dire, mais ça dépend des cas, il faut toujours contextualiser. La sépulture, c'est vraiment, cela fait référence, c'est le fruit d'une intentionnalité de dépôt avec une connotation positive et affective dans le geste. Quand vous enterrez un individu, un criminel au pied de fourches patibulaires, il y a une intentionnalité de dépôt, mais il n'y a pas une affection envers cet individu. Donc il n'a pas de sépulture chrétienne. Il n'a pas de sépulture chrétienne, et ça depuis le 10e siècle, visiblement. Il n'est pas enterré. Alors, les ecclésiastiques sont pas forcément pour. L'Église milite peut-être un petit peu pour que ces individus ne soient pas jugés deux fois, puisque Dieu ne juge pas deux fois. Mais ces individus, ces criminels, ne doivent pas être enterrés dans l'espace consacré. À ce jour, la gestion du cadavre des pendus reste donc une question sans réponse qui pourrait être réglée par l'archéologie? Oui, complètement. Je pense que grâce à l'archéologie, grâce à l'archéoanthropologie aussi, on a maintenant des éléments, des outils qui permettent de travailler sur l'identité biologique des individus et pourquoi pas de travailler également sur les marques laissées par l'ensemble des peines corporelles. Justement, quelles sont ces marques? L'osioïde, par exemple? Alors l'osioïde, les luxations en cervicale, en vertèbre cervicale se retrouvent également, mais la pendaison n'est pas le but ultime. Voilà, c'est ça. Le choc quand la corde tombe? Oui, alors là aussi, la dépendaison incontrôlée, quand on laisse choir un individu sur le sol, il y a quand même des cassures qui se font au niveau de ses chevilles, et c'est peut-être un marqueur d'une dépendaison incontrôlée, oui. Alors nous avons beaucoup parlé d'exécution, en laissant de côté les espaces carcéraux, les geôles, et bien sûr les interrogatoires. Tous nous nous souvenons du supplice de la chèvre subi par Fernandel dans le film François Ier de Christian Jacques. Il y a d'autres supplices, le supplice du lard fondu à Draguignan par exemple. Oui, on peut faire couler du lard fondu sur un criminel, mais ce n'est pas forcément un supplice ni une peine, c'est là vraiment une torture en vue d'un aveu. Quels sont aujourd'hui, en deux mots, les enjeux de cette archéologie de la justice en France, Mathieu Vivas? Pouvoir avoir une autre vision du crime, de la criminalité et également des pouvoirs qui détiennent la justice. Mathieu Vivas, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Louise André à la technique, Amandine Frichou et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon et Anna Feupin. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.